Chapitre 21e. Ikuteruka resta impassible. « Ne bougez pas » cria-t-il d'une voix tonnante en levant sa courte pelle de chauve, « ou je vous abats. Allez me chercher tout de suite le consul du Japon, et en attendant que personne ne monte dans le train où je fais sauter la locomotive. » Se disant, Ikuteruka, de sa main libre, brandit un petit sac confectionné avec un lambeau de sa chemise et qu'il avait rempli de poussière de charbon. « C'est de la dynamite !» expliqua-t-il. Les policiers et leur chef, prudemment, reculèrent. Des cris de terreur partirent de la foule amassée sur le quai. « Qu'on aille me chercher le consul du Japon. Ce que j'ai à lui dire est d'une importance considérable !» répéta Ikuteruka. « Téléphonez-lui. Dites-lui que le détective impérial Ikuteruka désire lui parler au sujet de la banque Kitsui Danko. » Au nom d'Ikuteruka, l'officier de police tressaillit. Il regarda le célèbre détective en se demandant s'il n'avait pas affaire à un fou. Ikuteruka, on se le rappelle, avait revêtu les habits du maître sans nom, habits qui maintenant étaient souillés de sang, de graisse, de charbon et s'effilochaient de toutes parts. « Allez donc !» grommela Ikuteruka. « Le consul me reconnaîtra !» Le ton avec lequel ces paroles étaient prononcées convainquit enfin le policier qui adressa un ordre à l'un de ses subordonnés, lequel se précipita vers la plus proche cabine téléphonique. Sur le quai de la gare, la foule continuait à s'amasser, mais la vue d'Ikuteruka, qui brandissait toujours son soi-disant sachet de dynamite, empêchait les plus déterminés de s'approcher du train. Enfin, le consul du Japon à Canton arriva. Il s'approcha de la locomotive et reconnut le grand détective avec qui il avait déjà eu des relations. Ikuteruka, l'ayant fait monter sur la machine, lui raconta ce qui s'était passé. Le consul japonais téléphona immédiatement au gouverneur de Canton, qui donna aussitôt des ordres pour que le train fût fouillé et que fussent arrêtés tous ceux qui s'y trouvaient. Heng et le mandarin Tansui furent découverts dans le compartiment où Ikuteruka les avait laissés bien ligotés. Ils furent immédiatement transférés à la prison. Dans un des fourgons, l'on retrouva les caisses de piastres volées à Saïgon. Heng, menacé de la torture, révéla comment l'affaire s'était faite. Le fils du banquier, Mitsui Jinzo, avait indiqué le coup aux bandits. Ceux-ci, sous la direction de Heng, avaient fait couler la jonque contenant les caisses de piastres et en crevant la coque. La jonque avait sombré dans le Dongnai. Les bandits, qui auparavant avaient drogué les marins du remorqueur qui tirait la jonque, s'étaient emparés de ce bâtiment et étaient allés aussitôt retirer les caissettes de piastres englouties dans le Dongnai. Un vieil anamite les avait vus à l'œuvre. Il l'avait assassiné. C'était ce malheureux qui avait été retrouvé poignardé sur la berge du fleuve. Le reste, Ikuteruka l'avait deviné. Les bandits avaient caché leur butin, puis l'avaient embarqué à bord du Tongsi. Quant au jeune Jinzo, qui ne pouvait plus être utile à la bande, ses complices l'avaient simplement assassiné. Les caissettes de piastres avaient donc été acheminées vers l'intérieur de la Chine, où la bande, dirigée par le maître sans nom, avait de nombreux adeptes. Sans l'intervention de Ikuteruka, le coup réussissait. Heng fut condamné à mort et eut la tête tranchée. Le mandarin Tansui s'en tira avec 10 ans de prison, mais il était déshonoré et se pendit dans sa cellule. Les piastres furent rendus au baron Jinzo, qui, pour manifester sa reconnaissance à Ikuteruka, lui fit remettre un chèque de 2000 livres sterling. Ikuteruka, après être resté quelques jours à Canton, pour donner des éclaircissements à la justice et aussi pour se reposer des terribles souffrances qu'il avait endurées, se rendit à Hong Kong, où il s'embarqua à bord du vapeur anglais Bannisdale, en partance pour Nagasaki. Mais il était dit qu'avant de revoir sa patrie, Ikuteruka sera le héros de nouvelles et plus effroyables aventures. Ainsi s'achève La jonque disparue, une aventure de Ikuteruka, le célèbre détective japonais, par José Moselli.